بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا أيها الإخوة لهذا الدرس الثاني والثلاثين في شرح عمدة الأحكام. Bienvenue les frères pour ce 32e cours dans l'explication de عمدة الأحكام. وقد وصلنا إلى الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب صفة الصلاة. Et nous sommes arrivés au deuxième hadith qu'a cité l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le sous-chapitre lié à la description de la prière. فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. L'auteur nous dit selon Aïcha radiallahu anha qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam débutait la prière par le takbir et la récitation de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lorsqu'il s'inclinait, il ne levait pas la tête, il ne la baissait pas trop, cependant à un niveau entre les deux. Et lorsqu'il levait sa tête à la fin du rukou', à la fin de l'inclinaison, il ne se prosternait pas avant de rester bien droit, debout. Et lorsqu'il levait sa tête après la prosternation, il ne se reprosternait pas avant de rester assis, non, avant de rester correctement assis. Et il prononçait après chaque deux unités, il prononçait at-tahiyya, le tashahhud. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra. Il étendait son pied gauche et il tendait son pied droit à la verticale. Et il interdisait uqbatu shaytan. C'est une assise qui s'appelle uqbatu shaytan, qu'on va préciser par la suite, inshallah ta'ala. Et il interdisait à l'individu d'étendre ses bras durant la prière de la même façon que la bête féroce étend ses pattes. Et il finissait la prière avec at-taslim. هذا الحديث ممن فرد به الإمام مسلم في صحيحه وقد ذكر المؤلف أنه سيقتصر على الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان فهذا الحديث ليس من شرط المؤلف لأنه من أحاديث مسلم فقط. Et donc ce hadith, il a été cité par l'imam Muslim, rahimahullah. Mais il n'a pas été cité par al-Bukhari. Et or l'auteur, il nous a dit au début du livre qu'il allait citer spécifiquement les hadiths qui sont dans les deux livres, al-Bukhari et Muslim. Et donc ce hadith ne respecte pas les conditions citées par l'auteur au début du livre. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير. Il y a dans le hadith le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم il commençait la prière par التكبير. Et التكبير c'est le fait de dire Allahu Akbar. والصلاة لا تنعقد دون التكبير. Et la prière ne commence pas avant le fait de prononcer le takbir. أخرج أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. Abu Daoud a cité dans son recueil, selon Ali ibn Abi Talib ibn radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la clé de la prière, c'est la purification. Et sa sacralisation, la sacralisation de la prière, donc le début de la prière, c'est at-takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et sa désacralisation, donc la fin de la prière, c'est at-taslim. وذهب الجمهور إلى تعيين اللفظ الله أكبر لأنه هو المذكور في الأحاديث وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لفظ آخر فيما يتعلق بالتكبير. Et الجمهور, la majorité des savants, c'est-à-dire l'imam الشافعي, l'imam أحمد et l'imam Malik, ils voient que il faut citer spécifiquement la parole Allahu Akbar. C'est cette parole-là que tu dois prononcer. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là qui a été citée dans les hadiths et qu'il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni des compagnons radiallahu anhum qu'ils aient dit autre chose pour le takbir. Wa dhahaba Abu Hanifa rahimahullah ila jawazi taghyiri lafza akbar annahu yajuzu taghyiruha. L'imam Abu Hanifa rahimahullah, il voit que il est permis de changer le mot Akbar. Il est permis de changer le mot Akbar par un autre mot qui va dans le même sens. Comme par exemple, A'zam. Donc de dire Allahu A'zam. Donc Allah est plus grandiose. Au lieu de dire Allahu Akbar. والصحيح التقييد بقول الله أكبر. Et l'avis le plus juste, c'est que nous devons spécifiquement citer la parole Allahu Akbar. لأنه هو القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là que le prophète صلى الله عليه وسلم a prononcée durant sa prière. Et c'est lui qui nous a dit: صلوا كما رأيتموني أصلي. Priez comme vous m'avez vu prier. وأيضا ينبغي للمسلم أن يتعلم كيفية نطق التكبير حتى لا يغير حرفا. Et aussi, il est important que le musulman apprenne comment prononcer le takbir afin de ne pas changer les lettres. وقد يغير المعنى. Il se peut qu'il change la signification. Certains, parfois, ils vont dire akbar. Akbar. Au lieu de dire akbar. ولفظ akbar بمعنى الطبل. Akbar, ça c'est les grands tambours. C'est ça akbar. وهذا القول لا يصح أن نطلقه على الله تبارك وتعالى. Et cette parole, il n'est pas permis de la prononcer concernant Allah Azza wa Jal. Et donc on doit faire attention à la façon dont on prononce cette parole. واستدل المالكية بقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين على عدم قراءة البسملة قبل الفاتحة. Les savants du madhhab malikite, ils se sont appuyés sur la parole de Aïcha quand elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم commençait la prière par le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et il commençait la récitation par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Malikiya, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire que on ne récite pas la Basmala avant la Fatiha. Hier, on avait déjà parlé de Al-Malikiya concernant le début de la prière. On avait dit quoi? On avait dit qu'ils disent pas. Ils disent. Voilà. On a dit que Al-Malikiya, il voit que on prononce pas l'invocation de donc d'ouverture. Donc tu dis Allahu Akbar, tu prononces pas l'invocation d'ouverture, tu prononces pas la Bismillah, tu commences direct Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ça donc le madhhab de Al Malikiya. Ils se sont appuyés sur ce hadith. وقالت الحنابلة والأحناف بالإصرار بالبسملة. Et Al-Hanabila, ainsi que les savants du madhhab Hanbalite et Hanafite, eux, ils voient que tu prononces la basmala, mais à voix basse. à voix basse, et ça, c'est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, concernant ce sujet. وفي قول عائشة وكان إذا رفع ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. La parole de Aïcha, lorsqu'elle dit, lorsqu'il s'inclinait, il ne levait pas la tête et ne la baissait pas, mais cependant entre les deux. Entre les deux. في هذا الكلام تنبيه على كيفية الركوع وأن الرأس لا يكون فوق الظهر ولا تحته ولكنه يكون محاذيا له. Et donc, il y a dans cette parole de Aïcha le fait d'attirer l'attention vers, sur la façon dont nous devons faire l'inclinaison. Et que la tête ne doit pas être au-dessus du dos, ni en dessous, mais dans l'alignement du dos. Dans l'alignement du dos. وَفِي قَوْلِهَا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. Et Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle dit, et lorsqu'il se levait du rukou', il ne se prosternait pas avant de rester debout. Et donc, il se prosternait, il se levait de l'inclinaison, restait debout, et ensuite, après cela, il se prosternait. Fi hadha al-qawl wujub al-i'tidal bayna ar-ruku'i was-sujud wa huwa qawl al-jumhur. Il y a dans cette parole le caractère obligatoire de rester debout entre l'inclinaison et la prosternation. Et ça, c'est la parole de Al-Jumhur, la majorité, c'est-à-dire l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Abu Hanifa, rahimahullah, qu'est-ce qu'il voit ? Qala Abu Qalatil Ahnaf, bi annahu la yajib al-i'tidal bayna as-sujud wa ar-ruku'. Al-Ahnaf, ils disent qu'il n'est pas obligatoire de rester debout, de se tenir debout, entre la prosternation et l'inclinaison. Pourquoi ? Quelle est leur preuve ? قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Oh, ceux qui avez, oh vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous réussissiez. Et donc Allah Ta'ala, il n'a pas cité dans ce verset le fait de rester debout entre l'inclinaison et la prosternation. Comment tu réponds ? Qui fait tout dire ? La sunna. Et donc, on dit quoi ? Et, mais par rapport à ce verset, on dit quoi ? Parce que ça n'a pas été cité dans le verset. Il y a plusieurs trucs qui n'ont pas été faits, et puis c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui nous les a montrés. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? C'est que هذه الآية ذكرت الصلاة مجملا. Ce verset, il cite la prière de façon générale, sans citer les détails. En ce qui concerne les détails, c'est dans la sunna que tu trouves les détails. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit inna anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Nous avons fait descendre le rappel sur toi afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé, ce qui est descendu sur eux. Et donc afin que tu expliques aux gens le Coran. Voilà pourquoi il est impératif que on s'appuie sur la sunna pour l'explication du Coran. Et donc, il est impératif de se tenir debout avant la prosternation. Comme on dit la majorité des ulama. Aïcha, radiallahu anha, qui continue et qui dit, وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْسِبُ الْيُمْنَى. Il tendait son pied gauche, donc à l'horizontale, et donc maintenait son pied droit à la verticale. Qui est souple qui nous fait ça? Il n'y a pas de souple aujourd'hui. Ayoa. Et donc, le pied gauche qui est étendu sur le sol et le pied droit qui est donc à l'horizontale, et donc la personne se pose sur son pied gauche. La personne qui se pose sur son pied gauche. Wal murad bi hadhihi al jalsa huwa al iftirash fi al tashahhud al awwal. Ce qui est voulu par cette assise, c'est justement l'assise qu'on appelle al iftirash lors du premier tashahhud. Lors du premier tashahhud. Lors du deuxième tashahhud, on appelle ça at-tawarruk. At-tawarruk, c'est quoi? À la fois plus ou pas encore un petit peu. Aïe, naam. At-tawarruk. Donc là, la personne, avant, elle avait le pied gauche au sol et donc la fesse posée sur le pied gauche. Là, maintenant, elle va avancer un peu ce pied gauche pour pouvoir poser la fesse sur le sol. Pour pouvoir poser la fesse sur le sol. طيب وعائشة رضي الله عنها elle nous dit aussi وكان ينهى عن عقبة الشيطان il interdisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il interdisait l'assise qu'on appelle عقبة الشيطان وقد ذكر العلماء كراهية هذه الجلسة les savants les ont cité le caractère détestable de cette façon de s'asseoir ورجح العلامة ابن العثيمين رحمه الله أن المراد بهذه الجلسة هو افتراش الرجل قدميه ثم يجلس عليهما. Le cheikh, le très savant Ibn al-Uthaymin, parce qu'il y a plusieurs explications qui ont été données pour cette assise, عقبة الشيطان. Le cheikh Ibn al-Uthaymin رحمه الله, il dit que ce qui est voulu par cette assise, c'est le fait que l'individu va tendre ses deux pieds sur le sol et va s'asseoir dessus. Comme on a parfois certaines personnes qui ont les deux pieds qui sont donc un peu à l'horizontale ou entre l'horizontale et la verticale et ils se posent dessus. Naam. Et il y en a d'autres qui disent voilà. Et il y a d'autres ulémas qui disent et la vie qu'a choisi justement le cheikh Al-Najmi, Al-Najmi rahimahullah dans son explication de Umdat al-Ahkam, il dit que ce qui est voulu par Uqbat al-Shaytan, an yansiba ar-rajul rijlay. La personne elle met ses deux pieds à l'horizontale. Ses deux pieds sont à l'horizontale. Wa yajlisu baynahuma wa yaq'ud baynahuma. Là. Aïwa, wa yak'ud baynahuma. Celle-là est dure. Et donc, il dit, c'est ça qui est voulu, le cheikh Al-Najmi, il dit, c'est ce qui est voulu par Uqbat al-Shaytan. Mais il dit que les deux, dans tous les cas, même celle qu'a cité Cheikh Ibn al-Thaymin, et celle-là, il dit, les deux sont makruha dans la salat. Les deux sont détestables durant la prière. Ensuite, Aïcha qui nous dit, donc vers la fin du hadith, « Wa kana yanha an yaftarish ar-rajulu zira'ayhi iftirash as-sab'. » Et le prophète, il interdisait le fait que l'individu tende ses bras de la même façon que la bête féroce tend ses pattes. C'est-à-dire, la personne va étendre ses bras sur le sol. Certains, ils ne font pas attention à ça. Lors de la prosternation, ils ne vont pas avoir que la main sur le sol, mais même tout le bras jusqu'au coude posé sur le sol. Ça, c'est donc le prophète interdisait cela. Barakallahu fik. Le prophète, il interdisait cela. Souvent, ils ne font pas attention à ça. Donc, on lève le bras donc pendant la prosternation. Et enfin, Aïcha radhiyallahu anha qui dit wa yakhtimu as-salata bit-taslim. Et il finissait la prière par at-taslim. Fi hadha al-qawl wujub at-taslim. Fi khitam as-salat, il y a dans cette parole le caractère obligatoire de prononcer at-taslim à la fin de la prière, comme c'est l'avis de l'jumhur, comme c'est l'avis de la majorité. Parfois, ne soyez pas choqués, vous pouvez prier à côté de certaines personnes, ils font pas de taslim. Il fait pas de taslim, pourquoi? Ça c'est madhhab al-ahnaf. C'est le madhhab de Abu Hanifa. Il voit que le taslim c'est pas obligatoire pour finir la prière. C'est pas obligatoire. Pourquoi? Istadalla bi hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. Abu Hanifa se base sur le hadith qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque l'individu s'assied Donc là, c'est pour le tashahhud. Lorsqu'il s'assied à la fin de sa prière et qu'ensuite il perd ses ablutions avant d'avoir fait le taslim, alors sa prière, elle est complète. Alors sa prière, elle est complète. On a déjà cité ce hadith. هذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف. Il y a dans ce hadith dans la chaîne de transmission عبد الرحمن بن زياد الإفريقي et il est faible. Ces narrations donc ne sont pas acceptées. Ce hadith est faible et donc on ne peut pas l'utiliser comme preuve. L'avis le plus juste qui ne doit pas être délaissé الراجح الذي لا ينبغي الاعتدال عنه هو قول الجمهور l'avis de la majorité وجوب التسليم rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam وتحليلها التسليم le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit et sa désacralisation donc la fin de la prière c'est التسليم dernièrement dernier point avant de vous laisser donc une personne, elle prie. الرجل يصلي. ولمسألة ما لا يستطيع أن يتم الصلاة. Ils veulent sortir de la prière. يريدون الخروج من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا يحتاج. Il n'y a pas besoin. أنت تخرج من الصلاة بنيتك. إن لو أنك عليك أن تخرج. مثلا رجل يصلي. أحدث في الصلاة. Une personne qui prie. Et pendant qu'il prie, il a perdu ses ablutions. Il n'y a pas besoin. La yahtaj en tout salim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Anta takhruj bi niyatik. Li anna taslim. Li itmani salat. Et taslim. Le fait de dire assalamu alaikum à la fin de la prière, c'est pour parachever ta prière. Huna assalam ghayru tamma aslan. Ici, la prière, elle n'est pas complète à la base. Il manque peut-être un rukn, il manque peut-être une raka'a, il manque peut-être deux, peut-être plus. La prière, elle n'est pas complète. Il n'y a pas besoin de taslim. Tu finis, tu sors, et khalas. Donc voilà, attention par rapport à ce point-là. Le taslim, huwa fi akhiris salat, idan tahat. Et donc, le taslim, c'est à la fin de la prière, si elle est finie. On arrête pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On continue, umdat al-ahkam, la semaine prochaine. Umdat al-ahkam, maintenant, c'est que deux fois par semaine. C'est pas trois fois par semaine parce que j'ai voulu introduire le tafsir, que c'est muhim, c'est très important. Donc on aura un cours de tafsir à la place du troisième cours de Umdat al-Ahkam. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.